Inch'Allah, on va commencer. Donc on m'a dit à écart, c'est pour ça que je suis en retard. A'oudhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Donc la louange est à Dieu, le Seigneur des mondes, que l'honneur et l'élévation de gré le plus complet, le plus parfait soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid din » Donc c'est-à-dire celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. Et il a dit aussi, c'est-à-dire le croyant ne se rassasie pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce que la fin soit le paradis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend dans le Coran qu'il est celui qui a le vouloir sur toute chose. Allah ta'ala dit, Inna rabbaka fa'alul lima yurid. C'est-à-dire, certes, ton Seigneur fait ce qu'il veut. Et le prophète, alayhi sallatu wassalam, a dit « Ma sha'a Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun » C'est-à-dire, ce que Allah veut est, ce qu'il ne veut pas, n'est pas. Donc, tout ce qui arrive dans ce monde est par la volonté de Allah ta'ala. Donc il est impossible selon la raison qu'arrive autre que ce que Dieu a voulu. Ceci est impossible. Parce que s'il arrivait quelque chose, s'il arrivait autre que ce que Dieu a voulu, il serait incapable. Et celui qui est incapable donc, ne va pas être Dieu. Donc Allah Ta'ala dit « Wallahu ghalibun ala amrih » C'est-à-dire la volonté de Allah se réalise et rien ne peut empêcher la réalisation de sa volonté. Donc à partir de là, on sait que tout ce qui arrive est par sa volonté. Donc c'est un sujet important. Et les savants de l'islam ont dit « La haraka wa la sukun illa bimashi'atillahi takun » C'est-à-dire il n'y a pas un mouvement ni inimmobilité si ce n'est par la volonté de Allah. Et ils disent aussi la tataharraku dharratun illa bi'idhni. C'est-à-dire un grain de poussière ne peut bouger que par la volonté de Allah. Donc un grain de poussière ne peut bouger que par sa volonté. Une pensée ne peut avoir lieu que par sa volonté. Un sentiment, une pensée, un mouvement. Et Allah Ta'ala dit c'est-à-dire Allah fait changer les cœurs et les regards des gens. Et dans le dua du prophète, Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala din. C'est-à-dire, oh Allah, toi qui fais changer les cœurs, maintiens mon cœur sur la religion de l'islam. Donc tout ce qui arrive est par sa volonté. Et dans la ayah aussi, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ qui signifie vous ne voulez que ce que Allah veut, le Seigneur des mondes. Vous ne voulez que ce que Allah veut. L'imam Shafi'i, donc, il a dit, donc, un vers de poésie, il a dit مَا شِئْتَ كَانَ وَإِنْ لَمْ أَشَاءُ وَمَا شِئْتُ إِنْ لَمْ تَشَاءُ لَمْ يَكُنْ Donc, c'est un extrait de ce qu'il a dit, en fait, il a dit ce que tu as voulu aura lieu, même si je n'ai pas voulu, ce que j'ai voulu, si toi tu n'as pas voulu, n'aura pas lieu. Ce que tu as voulu aura lieu, même si je n'ai pas voulu. Donc, je n'ai pas voulu tomber malade, mais si tu as voulu, je tomberai malade. C'est-à-dire, ce que j'ai voulu, ce que toi, tu n'as pas voulu, n'aura pas lieu. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un il voulait être riche, mais Dieu n'a pas voulu pour lui, donc non, cela n'aura pas lieu. Donc ça, c'est un poème qui résume, donc, de la part de lui-même, Ash-Shafi'i, ce que Dieu veut est, ce qu'il ne veut pas, n'est pas. Donc tout ce qui arrive est par sa volonté qui ne change pas. Donc, il ne faut pas confondre l'ordre et la volonté. Donc c'est justement, le sujet, c'est de présenter donc l'ordre et la volonté et de montrer la différence. Donc les savants ont divisé cela en quatre parties. Donc pour la place, alors donc, faudrait donc, je pense, changer, mettre s'il est sûr de se mettre là-bas, et comme ça on va s'adapter. Donc c'est bon, il y a de la place, voilà, comme ça. Vous avez écouté là? C'est mieux d'être en face. Il faudrait échanger, je pense. Ouais, c'est en temps. Ah, d'accord. D'accord. Être derrière comme ça, c'est pas évident. En tout cas, s'il n'y a pas quelque chose qui est clair, on répète. Hein. Donc, pour ne pas comprendre de travers. Donc, on a dit, les savants, ils ont divisé le sujet dont on parle en quatre parties. Donc, déjà, pour résumer, on dit tout ce qui arrive, sans exception, est par la volonté de Dieu. Que ce soit donc le bien ou le mal. Et comme on sait, sauf que Dieu agrée le bien, n'agrée pas le mal. Et on dit que le... Donc voilà, Dieu agrée le bien, il n'agrée pas le mal. Donc la première partie, ils ont dit quelque chose que Dieu a voulu et qu'il a ordonné. Donc l'ordre, c'est pas pareil que la volonté, on va voir. Donc Dieu a certaines choses que Dieu a ordonnées et qu'il a voulu. Donc c'est la première division. Par exemple, c'est la foi de ceux qui ont cru et l'obéissance de ceux qui ont obéi. S'ils ont cru, c'est que Dieu a voulu, et puis ça, c'est un ordre de Dieu de croire. Et s'ils ont obéi, parce que rien ne peut arriver malgré Dieu, donc s'ils ont obéi, c'est que Dieu a voulu cela, et ils ont fait l'ordre de Dieu. Donc là, c'est quelque chose que Dieu a voulu, qu'il a ordonné. Donc deuxième division, c'est quelque chose que Allah a voulu, mais qu'il n'a pas ordonné. Et qui est la désobéissance de ceux qui ont désobéi, et la mécréance de ceux qui ont mécru. Et comme on sait, Allah n'agrée pas la mécréance, mais alors que c'est lui qui l'a créé, bien évidemment, par sa volonté. Mais il n'agrée pas cela pour ses esclaves. Bien sûr, Dieu fait ce qu'il veut, n'a pas de compte à rendre. On ne peut pas dire pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait des gens qui soient mécréants et Dieu n'agrée pas cela et puis qu'il va leur rendre des comptes sur cela. Donc ça, Dieu a voulu, parce que c'est Dieu qui a voulu, c'est dit plusieurs fois dans le Coran, que si Dieu voulait, tout le monde aurait cru. Allah Ta'ala dit وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. C'est-à-dire, si Dieu aurait voulu, tout le monde aurait cru. Mais Dieu n'a pas voulu, il fait ce qu'il veut, il n'a pas de compte à rendre. Donc c'est Dieu qui a voulu des mécréants et des croyants. Et parmi les preuves que Allah a voulu la mécréance des gens qui ont mécru, Allah Ta'ala dit donc alam tara anna arsalna shayatina 'ala al-kafirina ta'uzzuhum azza, sourate Maryam. C'est-à-dire Allah nous apprend qu'il a envoyé les djinns mécréants, les shayatin, c'est le pluriel de shaytan, sur les mécréants qui les poussent à faire les péchés. Il les incite à faire les péchés. Donc ceci est une preuve pour les gens de Ahl-Sunnah. Donc Ahl-Sunnah, c'est ceux qui suivent la voie du prophète, alayhi salam, au contraire de ceux qui sont égarés. Donc on le rappelle dans le hadith que le prophète, alayhi salam, nous a appris que sa communauté va se diviser en 73 groupes, tous en enfer, sauf une, et c'est la majorité, c'est ce qu'on appelle les sunnites, ceux qui suivent la Sunnah, c'est-à-dire la voie du prophète, alayhi salam. Et donc ça contredit la croyance des gens des Mu'tazila qui disent que Allah Ta'ala n'a pas voulu qu'il y ait des péchés. Et ça mènerait, donc cela voudrait dire donc de leur part que les esclaves auraient vaincu la volonté de Dieu. Et ça c'est de la mécréance. Donc ça c'est impossible, si on a raison. Que Allah aurait voulu quelque chose et que c'est arrivé autre que ce qu'il a voulu. Parce que cela mènerait à dire qu'il y aurait quelqu'un qui l'aurait vaincu. Donc ça c'est contraire à la croyance sunnite, donc c'est de la mécréance. Donc même les savants, ils ont dit, si Dieu ne voulait pas, si Dieu ne voulait pas qu'il soit désobéi, il n'aurait pas créé Iblis. Et Allah Ta'ala dit وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا. C'est-à-dire celui que Allah n'a pas guidé, ne l'a pas illuminé par la foi, donc il ne peut pas être guidé. Plusieurs preuves. Allah Ta'ala dit وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Donc c'est-à-dire que la personne ne peut devenir croyante que par la volonté de Allah, par la permission de Allah. Donc les péchés, la mécréance, c'est Dieu qui l'a voulu, mais Dieu n'a pas ordonné cela. Donc il ne faut pas confondre. Parce qu'il y en a, ils vont confondre. Si quelqu'un fait le péché, on dit c'est par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu. Mais on ne dit pas que c'est Dieu qui a ordonné de faire les péchés. Dieu interdit. Donc l'ordre n'est pas pareil que la volonté. Dieu n'a pas ordonné les péchés, mais s'il y a des péchés, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu, parce que c'est impossible que quelque chose arrive malgré Dieu. Et la troisième chose, donc la troisième chose, c'est quelque chose que Allah n'a pas voulu, mais il l'a ordonné. Ne l'a pas voulu, mais l'a ordonné, qui est la foi concernant les mécréants, donc au sujet desquels Allah a su qu'ils mourraient sur la mécréance. Donc ils ont l'ordre de devenir musulmans, mais Dieu a voulu pour eux qu'ils ne deviennent pas musulmans. C'est ceux qui sont morts mécréants. Dieu a voulu qu'ils meurent mécréants. Mais ils avaient l'ordre d'être croyants. Donc Dieu a ordonné, mais il n'a pas voulu d'eux. Donc on va donner des exemples. Par exemple, autre exemple aussi, Dieu a ordonné au prophète Ibrahim d'égorger son fils Ismaïl. mais Dieu n'a pas voulu que cela ait lieu. Donc, on voit que l'ordre, c'est pas pareil que la volonté. Et la quatrième division, c'est quelque chose que Dieu n'a pas voulu et n'a pas ordonné. Il n'a pas voulu et n'a pas ordonné. Donc, il y a la mécréance concernant les prophètes et les anges. Dieu n'a pas voulu cela, il n'a pas ordonné cela. Il n'a pas voulu la mécréance pour les prophètes et n'a pas ordonné cela, et pour les anges aussi. Donc, il y a ce que Dieu a voulu et a ordonné. Il y a quelque chose que Dieu a voulu mais il n'a pas ordonné. Il y a quelque chose que Allah n'a pas voulu et il a ordonné. Il y a quelque chose que Dieu n'a pas voulu et il n'a pas ordonné. Comment? Ah, d'accord. Donc, alors, quelque chose que Dieu voulu, il a ordonné. Donc, il a voulu, il a ordonné. Il a quelque chose que Allah a voulu, mais il n'a pas ordonné. Quelque chose, il l'a pas voulu, mais il a ordonné. Et quelque chose qu'il n'a pas voulu, il n'a pas ordonné. Donc on va répéter avec les exemples aussi. Donc quelque chose que Allah a voulu, il a ordonné. C'est la foi pour les croyants et l'obéissance de ceux qui obéissent. Quelque chose que Allah a voulu, mais il n'a pas ordonné. C'est la désobéissance de ceux qui ont désobéi, la mécréance de ceux qui ont mécru. Donc Dieu a voulu que cela arrive, mais Dieu n'agrée pas cela. Dieu n'agrée pas cela. Le troisième, quelque chose que Allah n'a pas voulu, mais il a ordonné. La foi concernant les mécréants qui sont morts mécréants. On peut dire que Allah a su qu'ils vont mourir mécréants. Dieu n'a pas voulu pour eux la foi, mais ils avaient l'ordre de Dieu d'être croyants. Et la quatrième, quelque chose que Dieu n'a pas voulu, n'a pas ordonné, qui est la mécréance concernant les prophètes et les anges. Et bien sûr, la règle qui est citée dans le Coran, « La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun » C'est-à-dire, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, eux seront interrogés. Donc, on ne dit pas comment il châtie les obéissants, et alors que c'est lui qui a voulu que cela advienne d'eux. Donc ça, c'est important de le maîtriser, ce sujet. Donc, est-ce que c'est clair jusqu'ici? L'exemple dernier, c'est qu'il n'a pas voulu la mécréance pour les prophètes et les anges. Ouais, il n'a pas ordonné. Voilà. Ça va, tout le monde suit? De toute façon, c'est clair pour celui qui a eu les cours sur la croyance, c'est quelque chose de clair. Mais c'est important de le répéter quand même. Donc voilà, le croyant, il s'arrête à la parole qui est dans Sourate Al-Anbiya, ayat 23. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, et eux seront interrogés. Mon frère, s'il te plaît, excuse-moi pour le faire, mais est-ce que tu peux reprendre un peu, parce D'accord. Que c'est la deuxième fois peut-être qu'elle prenne un peu. D'accord, on va le répéter. Donc, aussi, le prophète, alayhi salatu wassalam, aussi, nous a appris que, dans le hadith, il est, que la prédestination est le sujet de la volonté. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose, le secret de cela, on ne peut pas le savoir. Ça, le secret, on ne peut pas le savoir. Mais ce qu'on a expliqué, on doit le savoir. On va le répéter. C'est-à-dire de savoir que tout ce qui existe, c'est que Dieu l'a voulu, mais que Dieu ordonne la foi, ordonne de faire les devoirs, en fait, les actes d'obéissance, et il interdit les actes de désobéissance. Donc on voit, il ordonne, et il interdit, ça veut dire qu'il n'ordonne pas. Mais Dieu a voulu, dans les deux cas, si cela arrivait, c'est que Dieu l'a voulu. Ça, c'est un devoir de le savoir. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est ça le secret qu'on ne peut pas savoir. Pourquoi on existe maintenant et pas 1000 ans en arrière? Ça, on ne peut pas le savoir. Pourquoi le soleil se lève de ce côté, mais pas à l'inverse? Pourquoi il n'y en a pas deux soleils? Donc, etc., etc. Ça, on ne peut pas le savoir. C'est ça le secret qu'on ne peut pas savoir. Mais si ça existe, c'est que Dieu l'a voulu ainsi. Ça, c'est un devoir. Et d'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, et que tu crois ce qui t'a atteint n'allait pas t'éviter, ce qui t'a évité n'allait pas t'atteindre. Il a dit, enfin, juste avant, il a dit que même si tu donnais l'équivalent de la montagne de Uhud en or, en aumône, cela ne sera pas accepté de toi tant que tu ne crois pas que ce qui t'a atteint n'allait pas t'éviter, ce qui t'a évité n'allait pas t'atteindre. Et que tu crois en toute la prédestination, et si tu meurs sur autre que cela, tu rentres en enfer. Ça veut dire que tu ne peux pas être croyant si tu ne crois pas que tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est vraiment, donc, parce que c'est impossible, on l'a dit au début, quelque chose arrive malgré Dieu, c'est impossible. Parce que s'il arrivait quelque chose malgré lui, il serait faible. Celui qui est faible ne peut pas être Dieu. Et la ayah, Allah Ta'ala dit, Wallahu ghalibun ala amri. C'est-à-dire, Allah, rien ne peut empêcher la réalisation de la volonté de Allah. Donc tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Donc on ne dit pas pourquoi Dieu, ceci ou cela. Donc la ayah, la yus'alu amma yaf'al, wa hum yus'alun. C'est-à-dire, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, eux seront interrogés. Donc on ne peut pas dire à Dieu pourquoi il y a des guerres, des famines, des problèmes, etc. On ne dit pas, quelqu'un il a une épreuve, par exemple, il est quelqu'un de bien, qu'il a une épreuve, on ne dit pas, ah il ne mérite pas, ou des choses comme ça que pourraient dire les gens, donc en français ou dans d'autres langues. Parce que tout ce que Dieu a voulu donc aura lieu, il fait ce qu'il veut. Donc on voit bien des gens qui ne sont pas pubères, des bébés ou autres, qui meurent dans différentes circonstances. Dieu fait ce qu'il veut, tout lui appartient, il n'a pas de compte à rendre. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Donc est-ce que c'est clair? Non. Tout ce que Dieu a voulu aura lieu, tout ce qui arrive dans ce monde, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc on a dit, on la répète, donc c'est bien de répéter de toute façon. La haraka wa la sukun illa bi mashi'atillah takun, c'est-à-dire il n'y a pas un mouvement ni une immobilité si ce n'est par la volonté de Allah. Ils disent aussi les savants, la tataharraku dharratun illa bi idhnih, c'est-à-dire un grain de poussière ne peut pas bouger sans la volonté de Allah. Donc l'idée que tu as ne peut pas arriver sans la volonté de Allah. Donc est-ce que c'est clair? C'est clair pour ceux qui Donc on va répéter aussi pour être plus clair, mais déjà, est-ce que c'est clair? Donc après, on a, donc c'est un détail, hein. Donc pour plus comprendre, on a expliqué, il y a des quatre cas qu'ont expliqué les savants, qu'il y a ce que Dieu a voulu, ce que Dieu a ordonné, ce que Dieu a voulu qu'il n'a pas ordonné, ce que Dieu n'a pas voulu mais qu'il a ordonné, et ce que Dieu n'a pas voulu, n'a pas ordonné. fait, ça explique plus en détail ce qu'on a dit, en fait, en résumé, tout simplement. Ce que Dieu a voulu, qu'il a ordonné, c'est la foi de, des croyants et l'obéissance de ceux qui ont obéi. Donc, si on peut l'expliquer autrement, on dit, s'ils sont croyants, c'est que Dieu a voulu. C'est toujours Dieu a voulu. Et aussi, ils ont suivi l'ordre de Dieu. Et quelque chose que Dieu n'a pas, que Dieu a voulu, qu'il n'a pas ordonné, c'est la désobéissance de ceux qui ont désobéi et la mécréance de ceux qui ont mécru. Donc on dit, s'ils ont désobéi, s'ils ont mécru, c'est que Dieu a voulu. D'accord ? Mais ils n'ont pas suivi l'ordre de Dieu, parce que Dieu a interdit d'être mécréant. D'accord ? Et bien sûr, Dieu n'agrée pas la mécréance. Troisième cas, on a dit, c'est quelque chose que Allah n'a pas voulu, mais il a ordonné. Donc il a ordonné, donc, par exemple, à Pharaon d'être croyant. Pharaon, il est mort mécréant. C'est que Dieu n'a pas voulu pour lui qu'il soit croyant. Donc on peut analyser comme ça. Donc Dieu a ordonné à, par exemple, à Abu Lahab d'être croyant. Mais Dieu a voulu qu'il meure mécréant. Et la quatrième, Dieu n'a pas voulu, il n'a pas ordonné. Dieu n'a pas ordonné la mécréance pour les prophètes. Et n'a pas voulu pour eux qu'ils soient mécréants. De même les anges. En fait, tout ce que Dieu a interdit dans sa loi, on dit que c'est quelque chose que Dieu n'a pas ordonné. Donc, on peut le résumer aussi de dire tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu, que ce soit bien ou mal, obéissance ou désobéissance, foi ou mécréance. Mais Dieu a ordonné la foi, il n'a pas ordonné la mécréance. Il a ordonné les devoirs, en fait, les actes d'obéissance, il a interdit les désobéissances. Donc tout ce que Dieu a voulu a lieu sans immanquablement. Bien sûr, croire qu'il y a quelque chose qui arrive malgré Dieu, là c'est la mécréance, bien évidemment. Donc, est-ce que c'est clair jusque là? C'est clair? Donc, on va un peu plus détailler aussi. Donc, on a vu les ayats aussi. Donc, Allah Ta'ala dit وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. C'est-à-dire, si Dieu voulait, tout le monde serait croyant. Mais Dieu a voulu que des humains et des djinns rentrent en enfer. Donc il fait ce qu'il veut. Donc on a répété aussi, c'est important de répéter la ayah la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait et eux ils seront interrogés. Et que dans le hadith on a vu un compagnon, il a dit au sujet de la prédestination, il a dit sirrullah, c'est-à-dire le secret de Dieu. Et le prophète, il a dit idha dhukira al-qadaru fa'amsiku, c'est-à-dire, il ne faut pas chercher à connaître le secret de la prédestination. Donc, ça, c'est ce qu'on a dit. Donc, on le répète pour que ça soit retenu, assimilé. D'accord ? Donc, que Dieu, le secret de la prédestination, on ne peut pas le savoir. Donc, on le comprend ça facilement. Donc, tu ne peux pas savoir pourquoi tu existes maintenant et pas à l'époque du prophète. Donc, tu ne peux pas dire à Dieu pourquoi moi, je n'existe pas à l'époque du prophète ou pourquoi je ne suis pas un compagnon. pourquoi Pharaon est mécréant et c'est pas sa femme. Sa femme était musulmane et lui, il était mécréant. Donc le secret, c'est ça, pourquoi ceci ou cela, c'est ça que tu peux pas savoir. Mais si c'est arrivé, c'est que Dieu l'a voulu. Un grain de poussière, il ne peut pas bouger sans sa volonté. Donc ça, c'est obligé de savoir. Et si tu crois le contraire, bah, tu n'es pas musulman. Aussi, de savoir, un autre point aussi qu'on n'a pas cité, mais on le comprend évidemment, c'est que l'injustice, bien sûr, est impossible s'agissant de Dieu. Il s'est répété plusieurs fois dans le Coran. Allah dit dans le Coran, « وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمْ لِلْعَبِيدِ » C'est-à-dire, certes, Dieu n'est pas injuste envers les créatures. Donc c'est répété plusieurs fois. Car l'injustice, les savants même, ils ont expliqué, par définition, l'injustice est impossible s'agissant de Dieu. Par définition même, c'est impossible s'agissant de Dieu. Car Dieu, tout lui appartient. Donc il fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient. Donc ils ont défini justement l'injustice de deux manières. Et dans tous les cas, ça ne peut pas s'appliquer à Dieu. Donc, la première définition, on va dire, c'est agir en ce qui t'appartient pas. Donc agir en ce qui t'appartient pas, non, c'est-à-dire agir donc selon le consentement de celui à qui appartient. Voilà. Agir en ce qui t'appartient, ce qui appartient à autrui, agir en ce qui appartient à autrui sans son consentement. Donc ils ont défini comme ça, parmi les définitions. Agir à ce qui appartient à autrui sans son consentement. Première définition. Et donc, ça ne s'applique pas à Dieu parce que tout appartient à Dieu. D'accord ? Donc tout appartient à Dieu. Nous, ce qu'on a, tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. On va revenir aussi là-dessus. Donc tout appartient à Dieu. Donc deuxième définition, c'est donc en arabe, donc ils disent mukhalafatul amri wa nahi mallahul amr wa nahi. On traduit de ce qu'ils ont dit les savants en fait. Ils ont dit donc contredire l'ordre et l'interdiction de celui qui a le droit d'ordonner et d'interdire, on va dire. On va le traduire un peu comme ça. Donc, contredire l'ordre et l'interdiction de celui qui a l'ordre, celui qui a le droit d'ordonner et d'interdire. Donc là aussi ça ne s'applique pas à Dieu parce que personne n'ordonne interdit à Dieu. Donc dans les deux définitions, ça ne s'applique pas à Dieu l'injustice. Donc par définition, c'est impossible s'agissant de Dieu. Donc dire attribuer à Dieu l'injustice, bien sûr, est de la mécréance. Et la mécréance, c'est cité dans le Coran, c'est la plus grave des injustices. Toute injustice en deçà, donc c'est pas comparable à l'injustice de la mécréance. C'est pour ça le pire des états, c'est l'état de mécréance, contraire de la foi. Donc la foi, donc on le rappelle, c'est à croire au discipulé de la foi, donc être musulman. Comme il l'a dit Abu Hanifa, il n'y a pas de foi sans islam, ni d'islam sans foi. C'est inséparable. Donc on voit bien que le plat et le revers, bien qu'ils soient différents, mais ils sont inséparables. Donc la foi et l'islam, c'est inséparable. On ne peut pas être croyant sans être musulman. Donc l'islam, comme on le sait, c'est la religion que Dieu a révélée à tous les prophètes, de Adam jusqu'à Mohammed. Et cette croyance-là, c'est la même. Donc on enseigne tous les prophètes dans tous les livres révélés. Bien que la langue change, donc on voit bien, on peut l'expliquer en arabe, en français. Donc, il y a des prophètes qui parlaient l'arabe, l'hébreu, le syriaque. Mais l'islam, c'est la religion que Dieu a révélée à tous les prophètes, de Adam jusqu'à Mohammed. Amen. Donc est-ce que c'est clair? Donc c'est facile à comprendre, mais des fois il faut répéter plusieurs fois. Est-ce que c'est clair? Donc l'injustice est impossible s'agissant de Dieu. On a expliqué c'est quoi l'injustice, et que par définition ça ne s'applique pas à Dieu. C'est clair? On entend bien là-bas? D'accord, c'est bon. Donc on a dit tout appartient à Dieu, donc c'est important de faire un rappel là-dessus rapidement. Donc, Dieu le créateur de toutes choses. Créer, c'est faire passer du néant à l'existence. Donc Dieu a créé ce monde-là. Donc cette notion-là permet de bien comprendre ces sujets-là. C'est quoi les créatures? C'est quoi les créatures? Donc on va poser un peu quelques questions quand même. Donc c'est quoi les créatures? Donc ça a été vu peut-être des centaines de fois, on va dire. À l'époque. C'est quoi les créatures? C'est ce qui a un début. Donc c'est ce qui a existé après ne pas avoir existé. Donc alors, on va dire, donc, en combien de sortes se divisent les créatures? Deux. Deux, oui, très bien. Donc c'est très facile, oui. Alors, c'est quoi ces deux sortes? Ah, donc là, c'est un point de répéter. Même sans quoi, il manque une précision. Là. La réponse, faut pas dire qu'elle est correcte. Alors, donc souvent cette question. Oui, Abdoussalam. Les substances éléments. J'ai pas dit non. Pourquoi tu. Sa réponse ou ça, la question? Sa réponse n'est pas complète. Et donc, il a dit les substances et les actes. Non, il y a. Elle s'approche, c'est presque. Ouais. Qui peut donner vraiment une réponse claire? Bruno, répète. Les corps et les caractéristiques des corps. Répète encore. Hein. Il y a les corps. Hein? Les caractéristiques des corps. Très bien, c'est ça. Ouais. Tout simple. Donc, c'est pour ça que j'ai dit c'est ça monte là, parce que la question suivante de dire combien de sortes de corps. Et là, ça serait corps palpable et corps impalpable. Donc vous voyez, c'est important de. Ces notions de base, là, vraiment de base. Hein. Et ça permet de comprendre tout ce qu'on a dit là depuis tout à l'heure. Si on comprend cette notion de base, qui est très simple, on comprend tout ça très facilement. Donc comme il a dit exactement, c'est les corps et les caractéristiques des corps. Après, si on dit dans les corps, il y a combien de sortes? Là, on peut dire deux. C'est quoi? C'est les corps palpables et les corps impalpables. Donc on dit corps palpables et corps impalpables, on a oublié une autre chose. Parce que le mouvement, c'est une créature aussi. La pensée, c'est une créature. Le sentiment, c'est une créature. Donc vous voyez, donc on voit bien que ça, tout appartient à Dieu. Donc c'est lié, ces notions-là. C'est important de le bien maîtriser pour la personne et pour aussi convaincre, expliquer la religion à quelqu'un qui ne connaît pas ou qui, pour quelqu'un qui se renseigne sur l'islam, qui n'est même pas musulman aussi. C'est vraiment très lié. Donc les créatures, non, le monde en fait c'est les créatures. Le monde c'est les créatures, se divise si on fait un schéma corps et caractéristiques des corps. Le corps lui-même, il y a les corps palpables. Donc c'est comme les corps palpables comme quoi? Hein? Sur? La table. La table, oui. Comme les pierres, les plantes, les humains, c'est ça, corps palpable. L'humain, l'être humain, c'est un corps palpable. Les corps impalpables? La lumière. L'air, l'obscurité, la lumière, c'est ce qu'on ne saisit pas. Les anges, l'âme. Donc dans l'être humain, il y a le corps palpable et impalpable, parce qu'il y a l'âme à l'intérieur. Donc corps palpable et impalpable. Donc les corps palpables, les corps impalpables. Et à côté, c'est quoi? On a dit ce qui advient au corps. Les caractéristiques des corps, Donc, en arabe, ils disent Ayan ou Araf. Ayan, c'est les substances, on a. Araf, c'est ce qui advient comme le mouvement. Le mouvement existait bien, ou la douleur, par exemple. Si on prend la douleur, ça existe, mais la douleur, on ne peut pas dire ça. Voilà, c'est une douleur. Donc, ils ont défini, il y a précisément les savants de l'islam, ils ont dit. Les corps, c'est ce qui est le corps, c'est ce qui a une localisation propre. Et la caractéristique, ça n'a pas de localisation propre, mais dont la localisation suit celle du corps. Le mouvement, c'est toujours dans un corps. C'est pas concevable une caractéristique sans un corps. La douleur, la froideur, la chaleur peut être dans l'air ou dans un autre corps, comme une braise. La froideur, l'air peut être frais ou la glace. Le mouvement, l'immobilité, la noirceur du corps noir, la blancheur du corps blanc. Donc vous voyez, donc, c'est la définition, vraiment, le corps, c'est ce qui est une localisation propre. Et la caractéristique, elle n'a pas une localisation propre, mais dont la localisation suit celle du corps. Et seulement, ils ont dit, Dieu a donc a créé le monde en deux sortes seulement. Deux sortes seulement, les corps et les caractéristiques des corps. Donc, notre volonté, notre sentiment, c'est créé par Dieu, tout simplement. Quelqu'un qui a la foi, donc, c'est une créature de Dieu. Il est satisfait, en fait. Il a la foi, c'est-à-dire qu'il est satisfait de cette vérité-là. Parce que, il y a des mécréants, ils savent là, c'est quoi la vérité, mais il n'est pas satisfait. Donc, il est mécréant, même s'il connaît la vérité. Donc, le fait d'être satisfait, c'est quelque chose que Dieu a créé, tout simplement. Donc on voit bien, c'est Dieu qui crée, qui guide qui veut et garde qui veut. Donc le sentiment, voilà, c'est créé par Dieu. Les idées, tout est créé par Dieu. Donc on a une volonté, mais c'est créé par Dieu. La volonté, c'est quoi aussi? C'est tu sens que tu veux ça, c'est un sentiment. Donc Dieu, donc on a une volonté, mais c'est une créature de Dieu, tout simplement. Donc c'est ça, quand on dit c'est quoi le monde, les créatures, on dit deux sortes, les corps et les caractéristiques des corps. Donc c'est quelque chose donc indéniable, c'est quelque chose de clair, donc facile à comprendre. Donc les corps et les caractéristiques des corps. Les corps se divisent en corps palpables et corps impalpables. Et donc les caractéristiques, ben, il y en a beaucoup des caractéristiques. Donc comme le mouvement, l'immobilité, le sentiment, la froideur, la chaleur, etc., etc. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a une précision, on répète? Donc tout est créé par Dieu, notre sentiment, notre mouvement, notre pensée, tout est créé par Dieu. C'est clair? Donc c'est pour ça qu'on dit Dieu ne ressemble pas à tout ça. Voilà. Donc, on n'est pas attribué de forme, ni de couleur, ni de quantité, ni de localisation. Rien n'est tel que lui, rien n'a de ressemblance avec lui. On ne peut pas atteindre sa réalité. Seul Dieu sait sa réalité. Pour ça, on dit Dieu, il est sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps. Donc, celui qui adore un corps, il imagine quelque chose qui a une forme, donc il n'adore pas Dieu, donc on dit qu'il est mécréant. Il n'a pas d'excuse là-dessus, c'est important de le repréciser. Même s'il a été induit en erreur par quelqu'un, ou il a lu une mauvaise traduction, il a attribué à Dieu ce qui n'est pas digne de lui, croire ce qui est contraire à la raison, il n'y a pas d'excuse. On dit que, en fait, il n'a pas eu l'islam. Donc, tout simplement, il doit se convertir à l'islam pour de vrai. Donc, ce n'est pas valable de dire, ah, mais il y a des ignorants, ils croient que Dieu habite le ciel. Bah, il n'est pas musulman, il doit se convertir à l'islam, tout simplement. Donc il n'a pas cru la croyance de l'islam, il n'a pas adoré Dieu. La solution pour lui, c'est que la seule solution, c'est qu'il se convertit à l'islam. Parce qu'un agent, il dit, ah, il ne savait pas. Ben, on leur dit, les compagnons, à l'époque, enfin les gens à l'époque du prophète, avant qu'ils deviennent compagnons, ben, ils étaient mécréants. Ils n'ont pas dit, ah, on ne savait pas, mais c'était la solution, c'était quoi? Ben, qu'ils se convertissent. Ils n'ont pas dit, ok, bon, on ne savait pas, mais maintenant, on est d'accord, mais on... Non, ils ont dit les deux témoignages. Donc c'est pareil, quelqu'un il imaginait qu'il croyait que Dieu était le ciel, bah, il n'avait pas la bonne croyance, il doit se convertir tout simplement. Donc les savants, ils ont dit, en fait, il n'a pas eu la foi du tout. Donc il doit se convertir. Comme à l'époque du prophète, ils étaient des gens qui adoraient les statues. Le prophète leur a parlé, il y en a, ils sont convertis. Ils n'ont pas dit, d'accord, on est avec toi, et puis ben, ceux-là qui sont dit d'accord, c'est tout, mais ils n'ont pas fait l'acte par lequel on devient musulman, qu'il ait des témoignages, ils sont restés mécréants. Comme l'oncle du prophète Abu Talib. Il savait que le prophète il est sur la vérité, mais il ne voulait pas lui dire les deux témoignages. Il a dit non, les gens, jusqu'au lit de la mort, le prophète il a dit de dire. Donc, il est mort mécréant. D'accord, donc c'est important ces notions-là pour bien comprendre soi-même, pour expliquer la religion, parce que chacun il doit, dans l'islam, ordonner le bien, interdire le mal. Et ça, c'est un devoir important dans la religion, de propager à son entourage la vérité. Donc les prophètes, c'était leur fonction obligatoire, c'était de propager, mais. Il n'y a que Dieu qui guide, qui ouvre le cœur des gens, comme on a cité la ayah. Personne ne peut devenir croyante que par la volonté de Dieu. Il dit aussi Man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu al-islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Il dit celui pour qui Allah veut le guider, il ouvre son cœur. Et celui pour qui Allah veut l'égarement, il fait que son cœur soit fermé. Donc, ouvrir le cœur. Fermer le cœur, il n'y a que Dieu c'est que pour Dieu. Et le fait qu'on explique, c'est une cause. Donc, donc c'est un devoir d'ordre communautaire, de toute façon, de propager cela. Voilà, est-ce que c'est clair? Donc, s'il y a une question, n'hésitez pas. C'est bon? C'est clair? الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد طاهر الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقنا واسعا وشفاء من كل داء اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات Thank you.